Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Okay. Thank you, Rumaji. Today, I think we are going to paragraph 32, ma? Yes. Okay, paragraph 32. In the beginning, first day, when we start, we see real vipassana jnana, like etc. So, Nous allons parler aujourd'hui de la compréhension qu'amène la méditation. Nous avons étudié deux purifications. Dittivisuddhi, c'est la purification des vues. Avant de développer cette purification des vues, nous pensons que nous sommes là, en vie, et que nous le serons toujours. Nous pensons que nous avons été créés par un dieu, par Brahma, ou par toute autre divinité. Dans la tradition ancienne, ce Brahma est donc considéré comme le grand égo qui crée de petits égos. Ce grand égo, Brahma, a créé des trillions et des trillions de petits égos, ce qui veut dire qu'il a créé tous les êtres vivants, du plus grand au plus petit, y compris les microbes, les virus. Avant d'avoir développé cette purification des vues, nous croyons que ce Brahma existe bel et bien, qu'il crée des atas, des petits égos, des créatures, lui-même étant le créateur. Nous allons nous poser la question de savoir si tout cela est vrai, et nous allons pouvoir y répondre par la méditation. Nous appliquons les instructions et petit à petit, progressivement, nous commençons à comprendre qu'à l'intérieur de nous, il n'y a jamais que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Nous voyons se succéder des namas et des rupas. Nous voyons que ces rupas, ces éléments physiques, ces phénomènes physiques sont composés des quatre grands éléments. Il n'y a que cela à l'intérieur de nous. Des phénomènes physiques, les quatre grands éléments, et des phénomènes mentaux, nama et rupa. Il n'y a que cela. On ne voit que cela lorsqu'on médite. Nous n'avons pas été créés par un dieu. Nous avons été créés en réalité par notre kamma, par l'ignorance et par la nourriture. Nous allons comprendre tout cela expérimentalement par la méditation. Ces nama et ces rupa ne sont donc pas créés par un dieu, par un brahma, ils apparaissent simplement par suite de causes. Nous allons essayer de comprendre tout cela au cours de cette phase de notre cheminement, Samasana. Nous allons entrer tout doucement dans Samasana Jnana, la connaissance par la compréhension. Avant d'avoir développé cette connaissance, nous sommes dans le doute. Nous ne voyons pas clairement comment les choses se passent. Certains yogis réussissent à voir dans une certaine mesure, mais il faut savoir que pour voir clairement tout cela, c'est très difficile. Nous allons devoir passer successivement par des connaissances de plus en plus profondes, un petit peu comme l'enfant qui commence par l'école primaire, passe ensuite au secondaire et enfin à l'université. On pourrait considérer que Dittivisuddhi et Kankaratnavisuddhi sont l'école primaire. Nous sommes toujours avec des doutes dans l'esprit. Nous pensons depuis toujours que nous avons été créés par une entité supérieure, par un dieu, par un brahma. Mais nous n'en sommes pas certains. Nous sommes donc toujours pris par ces doutes. Une fois que nous aurons passé toutes ces étapes, les doutes seront surmontés. Lorsque le méditant en est arrivé à Samasana Jnana, la connaissance par compréhension, il va s'efforcer de diviser tous ces phénomènes physiques et mentaux qu'il observe en différents groupes. Il étudie, il investigue les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, nama et rupa, et il les voit tous comme ayant la caractéristique de anicca, l'impermanence, la caractéristique de dukkha, souffrance, et la caractéristique de anatta, le non-soi. Anicca, c'est donc l'impermanence, c'est le fait que ces phénomènes n'en finissent pas de changer, d'apparaître et de disparaître. La caractéristique de anatta, c'est le fait qu'il n'y a aucune entité permanente qui habite ces phénomènes. Ils sont donc hors de contrôle. Tant que le méditant n'aura pas accepté cela, n'aura pas vu cela dans sa méditation, il aura des problèmes parce qu'il croit que cette entité permanente existe bien à l'intérieur des phénomènes. Ces problèmes qu'il va expérimenter, c'est précisément dukkha, la souffrance. Anicca, dukkha et anatta sont donc les trois caractéristiques des phénomènes qu'on va s'efforcer de constater par nous-mêmes lorsque nous observons tous ces phénomènes physiques et mentaux à l'intérieur de nous. Le méditant va commencer par observer, par analyser, par investiguer les phénomènes physiques. Ils sont très visibles. Le méditant commence par rupa, observe donc tous les phénomènes physiques à l'intérieur de lui. Il constate facilement que ces phénomènes physiques se manifestent, que ce sera la même chose dans le futur et cela a été la même chose dans le passé. On dit alors qu'il observe les phénomènes physiques en termes de durée. En ce moment, son corps est bien là, les éléments, il les voit. Il voit également les six bases sensorielles, l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, etc. Et il comprend que dans le passé, c'était la même chose et que dans le futur, ce sera la même chose. Il comprend également au niveau du moment. En ce moment, il expérimente donc ces phénomènes physiques. Juste avant ce moment, il les expérimentait et juste après, il les expérimentera. Par exemple, il est ici dans la salle de méditation et il voit ces phénomènes physiques et il comprend en même temps que juste avant, lorsqu'il pratiquait la marche, ces phénomènes physiques étaient là également, et qu'après la méditation assise, lorsqu'il ira au réfectoire, ces phénomènes physiques sont là, seront là également. Donc, nous allons observer tous ces phénomènes physiques à l'intérieur de nous. Nous sommes ici et nous commençons par une première catégorie, une première distinction qui est faite. Concernant ces phénomènes physiques, ils peuvent être internes ou externes. S'ils sont internes, par exemple, ce sont les six bases sensorielles. Ils sont à l'intérieur de nous, l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps. Les phénomènes externes, ce sont les six objets sensoriels. Pour l'œil, ce sont les images, les objets visibles. Pour l'oreille, ce sont les sons. Pour le nez, ce sont les odeurs, etc. Et le méditant observe tout cela et voit que cela change également. Par exemple, vous entendez le son de la voix de Bhante. En réalité, si vous observez de façon très pénétrante, vous pourrez voir que ce sont des ondes sonores qui se propagent. Elles sont donc également impermanentes. Les phénomènes peuvent alors être grossiers ou subtils. Lorsqu'ils sont grossiers, il s'agit par exemple des six organes sensoriels. Ils sont facilement, on les remarque facilement. Mais ils peuvent être plus subtils, par exemple les battements du cœur ou des phénomènes encore beaucoup plus subtils. Ceci est un peu difficile à expliquer dans ce contexte. Ces phénomènes physiques peuvent également être inférieurs ou supérieurs. Lorsqu'on dit inférieurs, on veut dire qu'ils sont plutôt négatifs, plutôt désagréables. Lorsqu'ils sont supérieurs, ils sont agréables, ils sont positifs, ils sont bons. Ils peuvent être lointains ou proches. S'ils sont lointains, il s'agit par exemple de personnes qui se trouvent très éloignées de nous. Et s'ils sont proches, il s'agit de nous-mêmes ou bien des personnes qui nous sont proches. Quoi qu'il en soit, tous ces phénomènes physiques, à quelques catégories qu'ils appartiennent, sont tous anicca, dukkha et anatta. Et il n'y a rien de plus que cela à l'intérieur de nous. Si nous réussissons à comprendre cela et nous y arriverons progressivement, nous aurons compris que ces phénomènes physiques ont tous cette caractéristique de anicca, impermanence, dukkha, souffrance et anatta, non-soi, et qu'il s'agit là du premier agrégat, l'agrégat de la matière. Vous pouvez regarder le tableau qui est affiché sur l'écran. Il y a au total cinq agrégats, cinq khandas. Le premier appartient à la matière, c'est Rupa, l'agrégat de la matière, essentiellement les quatre grands éléments. Nous les avons déjà étudiés. Les quatre autres agrégats, les quatre autres khandas, appartiennent à l'esprit. Il y a tout d'abord Vedana, le ressenti. Le ressenti peut être de trois sortes. Quel que soit le type de ressenti, agréable, désagréable ou neutre, il s'agit de Vedana, l'agrégat des ressentis, Vedana Kanda. Puis ensuite, Sanya Kanda, c'est l'agrégat de la reconnaissance. On reconnaît, on enregistre ce qui se passe. Le troisième, c'est Sankara Kanda, l'agrégat des formations mentales, des activités mentales. Ceux qui connaissent l'Abhidhamma ont déjà étudié qu'il y en a au total 50. Et enfin vient Vijnana Kanda, l'agrégat de la conscience. Ces cinq agrégats constituent donc ce que nous appelons conventionnellement un être. À l'intérieur de nous, il n'y a que cela. Un kanda, un agrégat qui appartient à la matière, c'est Rupa Kanda, et quatre agrégats qui appartiennent à l'esprit, Nama. Le méditant va donc investiguer ces cinq khandhas au cours de sa pratique. Il observe son corps, les phénomènes physiques, et il sait, il comprend qu'il s'agit là de la matière, Rupa, premier agrégat. Il observe ensuite les douleurs, s'il en a, et il réalise qu'il s'agit là de Vedana Khanda. Il ressent ces sensations comme soit douloureuses, soit agréables, soit neutres. Il comprend alors Vedana Khanda. Ensuite, il reconnaît cette sensation comme étant ceci ou cela. C'est Sanya Khanda, l'agrégat de la perception ou de la reconnaissance. Ensuite, il va voir qu'il réagit. C'est Sankara Khanda, l'agrégat de la formation mentale. Ceux qui ont étudié l'Abhidhamma savent qu'il y en a 50. Par exemple, le méditant, tout à coup, se sent impatient. C'est un sankhara. Il est heureux pour quelque raison que ce soit. C'est un autre sankhara. Il voudrait quitter le centre. C'est encore un autre sankhara. Donc, toutes les réactions sont des sankharas. Et il y en a 50 au total. Et enfin vient Vijnana Khanda, l'agrégat de la conscience. C'est le simple fait d'être conscient de ce qui se passe, de savoir. Il sait ceci, il sait cela. Petit à petit, le méditant va donc comprendre qu'à l'intérieur de lui, il n'y a que cela, les cinq agrégats, les cinq khandhas. La vie, c'est cela, la succession à l'infini des cinq khandhas. Et il comprend que c'est la même chose pour les autres, pour tous les êtres vivants. Il n'y a jamais que cinq khandhas. Il comprend également que ces cinq khandhas sont tous anicca, dukkha et anatta. Il l'expérimente dans sa propre pratique. Il le constate, il le comprend. Tout ceci, c'est donc la signification de cette étape de connaissance, Sammasana Jnana, la connaissance par compréhension. Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir, est-il possible de réaliser tout cela? Est-ce possible pour les méditants de voir tout cela de façon complète? Alors, Bhante répond qu'il y a deux conditions pour cela. La première, c'est la concentration. Il faut que le méditant dispose d'une très forte concentration. Dans les temps anciens, les méditants, comme je l'ai expliqué précédemment, commençaient par la pratique de Samatha. Et ils la pratiquaient intensivement, atteignaient les jhanas, les absorptions, que ce soit les rupa jhanas ou les arupa jhanas, de la matière subtile ou de immatérielle. Et après seulement, ils passaient à Vipassana. Comme ils avaient une très forte concentration, leur développement de Vipassana était très rapide et très clair. Ils voyaient très clairement tout ce qui se passait à l'intérieur d'eux. La deuxième condition, c'est la connaissance de l'Abhidhamma. Si on veut pouvoir distinguer clairement tous ces groupes dont il a été question, lointains ou proches, subtil ou grossier, etc., il faut la connaissance de l'Abhidhamma. Ici, les yogis travaillent de façon très consciencieuse et ils développent petit à petit les cinq forces, c'est-à-dire saddha la confiance, viriya l'énergie, sati l'attention, samadhi la concentration et panya la sagesse. Ces facteurs vont devenir puissants et ce sont ces facteurs qui vont leur permettre de voir très clairement. Mais tout ceci va prendre du temps. On peut peut-être considérer qu'il faudra 3 semaines de méditation intensive, voire un peu plus, 1 mois ou même encore plus, pour arriver à une vision très claire de tout cela. Mais si ces forces ne sont pas développées, il ne sera pas possible de voir clairement. Bhante explique que parfois, certains élèves réussissent à voir très clairement. Ils voient presque la totalité de ce qui a été expliqué, ou alors à 80%, 90%. D'autres yogis, par contre, ne verront qu'à 40% ou à 50%. Quelle différence y a-t-il entre ces deux yogis, celui qui voit très bien et celui qui voit de façon incomplète? Bhante fait une comparaison avec le voyage. Imaginons quelqu'un qui veuille se rendre de Bruxelles à Paris. Il peut le faire de deux façons, soit en voiture, soit en train. Et de préférence, le Thalys, un train de très grande vitesse. La personne qui voyage en train, et surtout un train de très grande vitesse, va arriver à Paris très rapidement. Il n'aura rien vu en cours de route, parce que le train ne s'arrête pas, il roule tellement vite qu'il ne voit que le paysage qui passe et qui passe. Par contre, celui qui voyage en voiture va aller à son rythme, il pourra s'arrêter, s'il le juge nécessaire, pour visiter certaines villes, il pourra rouler lentement si le paysage est beau et qu'il désire le regarder, etc. C'est exactement la même chose avec les yogis. Dans le temps, dans le passé, les méditants pratiquaient Samatha en guise de préliminaire, mais cette pratique de Samatha leur prenait énormément de temps, et ce n'est qu'après avoir atteint les très hauts niveaux d'absorption qu'ils étaient autorisés à passer à Vipassana. On peut dire que ces méditants-là voyageaient en voiture. Voyagent également en voiture les méditants qui, de nos jours, ont beaucoup de connaissances. Ils connaissent l'Abhidhamma, ils ont étudié les Écritures. Donc, ce sont des personnes qui vont, eux aussi, voir en détail et de façon complète. Mais le but, ce n'est pas tellement de voir en détail et de façon complète. Le but, c'est d'atteindre la destination. Donc, le méditant qui n'a pas toutes ses connaissances ou qui n'a pas développé une très forte concentration par Samatha va également arriver au but et c'est ça qui est très important. Le professeur, au moment de l'entretien, encourage toujours les élèves à poursuivre leur effort, à travailler encore plus, de façon encore plus méticuleuse, parce que le but du professeur, c'est que ce méditant atteigne le but. le fait d'avoir toutes ces connaissances ou d'avoir des expériences tout à fait complètes n'est pas très important. Donc Bhante explique que c'est possible que certains méditants soient découragés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir réalisé, même à des niveaux très basiques. Ils pensent que leur méditation n'a pas porté de fruits. Bhante explique qu'il ne faut pas s'en faire pour cela. Il faut simplement continuer à méditer. Et un jour viendra, lorsque les conditions seront présentes pour cela, il y aura des expériences très claires. Mais ce n'est pas cela qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est le courage de méditer. Essayez donc de méditer sans vous poser de questions, sans espérer quoi que ce soit. Essayez d'appliquer simplement les instructions. Moins vous aurez de désir pour ces choses, plus elles sont susceptibles de se manifester. Therefore, for practicing some meditation constantly, every day, may all of you be well, happy, peaceful, finally attain Nirvana with them. Okay, Mother. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you afternoon time. Okay. See you, Bhante. Okay, Mother.